Alain Thévenet est l'auteur de deux livres sur Godwin. On est paru à chez ACL en 2002 et 93. Donc là, il y a celui qui est paru en 2002, sous les yeux. Oui, ce qui est... Bon, c'est un concentré d'une thèse que j'avais faite. D'accord. Alain est docteur en philosophie. Docteur, ouais, que ça se soigne, je sais pas. Ouais, ouais, non. Non, mais c'est pas... Et tu as participé à plusieurs ouvrages collectifs chez ACL, La culture libertaire, État politique, anarchie, Au-delà de la démocratie, colloque autour du pouvoir. Et tu fais partie du collectif de rédaction de la revue Réfraction. Et également, tu as écrit l'introduction d'un livre d'Ernest Cœur de Roy qui parlait de la corrida. Oui. Voilà pour la présentation, je vous laisse la parole. Bon, justement. Bien sûr. Y a deux choses qui m'ont intéressé, qui m'ont fait m'intéresser à Godwin, en gros, que j'avais rencontré tout petit, enfin 18 ans ou par là, au CIRA à Genève. C'est d'une part ce que j'avais lu sur lui dans l'ancien Que sais-je, qui était d'Henri Arvon, où il était complètement débiné. On disait c'est un afro-rationaliste, il comprend rien, etc. Et je m'étais dit que, d'autant qu'à ce moment-là, également dans la lignée, on en profitait pour dire que l'échec des idées de Godwin prouvait bien l'échec des idées libertaires, en gros. Et je m'étais dit que quelqu'un dont on disait autant de mal ne pouvait être forcément quelqu'un d'intéressant. Mais j'avais reporté à plus tard le fait de m'y intéresser. C'est sur le tard, donc c'était pas en reprenant comme ça des études de philosophie. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas Godwin. Sur un plan plus militant, si l'on veut, ce qui m'a paru intéressant dans Godwin, c'est que je m'étais dit que lui écrivait à une période qui était une période charnière, avant le début de l'ère industrielle, ou tout au début en tout cas, et que maintenant aussi peut-être on vivait une époque charnière, et que peut-être en travaillant sur Godwin, on pourrait retrouver quelque chose qui serait, comment dire, enfin, intemporel d'une certaine manière, qui serait quelque chose qui ne serait pas lié à la situation historique, mais qu'on pourrait retrouver maintenant. Donc voilà, je me suis mis à Godwin et j'ai découvert quelqu'un de beaucoup plus divers, beaucoup plus contradictoire que ce qui en était présenté jusque-là. Alors, donc, je dois dire que la traduction qui paraît là est la première traduction en français. Au XIXe siècle, Benjamin Constant avait fait une traduction de la première édition de l'Enquête sur la justice politique. Et il a renoncé à la publier au prétexte que... Il a renoncé à la publier quand est parue la deuxième édition de Godwin, enfin de l'Enquête sur la justice politique, au prétexte que quelqu'un qui mélangeait... Enfin, au prétexte de la critique de la propriété que faisait Godwin. Pour lui, tout ce qui était critique de l'État, de tout État, c'était quelque chose qui allait dans son sens. Mais dès lors qu'on passait à la critique de la propriété, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas tolérer. Et ça me paraît intéressant aussi dans la mesure où, par exemple, il y a pas mal de il y a une tendance américaine libertarienne qui essaye de qui a essayé à certains moments de se récupérer Godwin, et ça me paraît complètement impossible dans la mesure où chez Godwin il y a justement une critique de la propriété qui est aussi fondamentale et qu'il a développé assez fortement. Donc, Godwin lui-même, il était d'une famille de pasteurs, très rigide, il en a bavé un peu dans son enfance, il était dans une... de pasteur, donc en Angleterre, c'était l'église anglicane, donc lui, il était calviniste, c'était déjà un peu dissident, mais il a été notamment dans une école extrêmement rigide, dont il parle dans ses mémoires, où il dit qu'il en a bavé, enfin qu'il était déjà révolté par les punitions qui étaient infligées, mais où en même temps il y avait une certaine ouverture d'esprit qui lui a permis de lire pas mal de choses. et qui l'intéressait. Donc lui-même, il a commencé, il voulait être pasteur, et puis il est passé par divers trucs, des trucs un peu hérétiques, je ne sais pas quoi. Il y avait une église où on ne reconnaissait pas la divinité du Christ. Et puis finalement, il a fini par perdre complètement la foi, ce qui était gênant pour être pasteur. Et au moment de la il a commencé à fréquenter les milieux de gauche en Angleterre. Et un peu comme Kant, au moment de la Révolution française, il s'est senti tout émoustillé, tout... Bon, ça l'a beaucoup intéressé. Et il était paru en Angleterre un ouvrage de Thomas Paine qui était La défense des droits de l'homme, et où Paine défendait la Révolution française, mais du côté jacobin en gros, quoi. Et en même temps, il y a eu une réponse à ça qui est assez connue de Burke, qui s'appelle Réflexion sur la Révolution de France, où celui-ci critiquait justement la Révolution avec des arguments que souvent contestables, c'est-à-dire qu'il disait, il plaignait la pauvre Marie-Antoinette qui avait été massacrée et tout, sans tenir aucun compte de la misère des gens. Et mais en même temps, il y avait d'autres arguments qui touchaient Godwin, dans la mesure où Burke s'attaquait aussi à l'idée de la Constitution, l'idée des droits de l'homme, qui pour Burke et aussi pour Godwin était quelque chose de l'ordre de la transcendance, et qui voulait créer, enfin, la Révolution française, les Jacobins voulaient créer quelque chose de définitif, et c'est là-dessus que Godwin n'était pas d'accord. Donc il commence à écrire en 92 ou 93, je crois, une enquête sur la justice politique, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il commence, enfin lui-même dit qu'il y a une évolution au cours pendant qu'il l'écrit, c'est-à-dire qu'il commence avec l'idée qui était déjà celle de Thomas Paine, comme quoi le gouvernement, il en faudrait le moins possible, et il aboutit petit à petit à la conclusion qu'il n'en faudrait pas du tout. Donc pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas de gouvernement? Parce que justement le gouvernement tend à fixer les choses, tend à... Enfin, il y a plusieurs types d'arguments. D'une part, l'idée même du gouvernement, c'est de fixer les choses définitivement, de dire que ça doit être comme ça pour toujours, donc de penser qu'il y a une nature humaine qui est définitivement ancrée. Il y a l'idée aussi que toutes les idées de patriotisme, enfin de grandeur, sont des idées néfastes qui contribuent aux guerres, enfin à la misère. Bon, donc il y a cette critique du gouvernement, qu'il n'appelle pas l'État, mais enfin bon, c'est la critique de l'État, en gros, ce qu'on appellerait maintenant l'État. Là-dessus, il passe à la... Enfin, ce qui est intéressant aussi dans Godwin, enfin, ce qui m'a moins intéressé, c'est que c'est plein de contradictions. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive à cette conclusion-là, il faut pas de gouvernement, mais en même temps... Dans le chapitre, enfin, c'est souvent un raisonnement en trois temps. Dans le premier temps, il est pris par ce qu'il annonce, et il dit ça, par exemple, qu'il ne faut pas de gouvernement, enfin, que le gouvernement est la cause de tous les maux. Et dans le deuxième temps, il reprend cependant toutes les objections qu'on aurait pu lui faire, ou celles que lui-même pourrait se faire, ce qui est... Enfin, il est d'une grande honnêteté à ce point de vue-là, je pense. Et dans un troisième temps, eh ben, il finit par penser que quand même, le gouvernement est forcément critiquable. Ce qui est une forme de pensée dialectique, mais qui, à mon avis, n'est pas hegelienne, c'est-à-dire que ça ressemble plutôt à la pensée de Proudhon, je pense, c'est-à-dire qu'on tient compte quand même des objections, mais pas pour les insérer dans un truc qui serait mi-chèvre, mi-figue, mi-figue. Mais ça veut dire que même si on prend, il y a un moment où il faut prendre une décision, enfin même intellectuellement, mais le fait de prendre cette décision n'exclut pas qu'en arrière-plan, il reste les objections qu'on a pu se faire. Donc critique du gouvernement, critique donc du gouvernement et de l'autorité. Et ça, ça le met en froid avec les Jacobins anglais, parce que justement l'idée des Jacobins français, enfin l'idée de la Révolution française, parce que justement, enfin, l'idée révolutionnaire jacobine, c'est que tout repose quand même sur le gouvernement. Et là-dessus, il embraye sur ce qu'il dit lui-même être la clé de voûte du système, c'est-à-dire la critique de la propriété, ou plus exactement des inégalités dans la propriété. C'est-à-dire que pour lui, la propriété, c'est quand même quelque chose de la propriété, c'est sa propre, la propriété que chacun peut avoir, c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine liberté, une certaine, c'est la possibilité pour chacun de ne pas être pris par les besoins matériels et de pouvoir donc réfléchir, d'une part, discuter avec les autres pour élaborer des projets communs et également avoir des loisirs, enfin, pour, donc c'est, on a besoin d'une propriété qui est sa sphère personnelle, qui protège la sphère personnelle. Mais ce qu'il dit, c'est que cette propriété est totalement inégalement répartie, puisqu'il y en a qui en ont au-delà, et d'autres qui n'en ont pas du tout, quoi, qui sont soumis à l'esclavage en quelque sorte. Donc là-dessus, donc c'est une critique fondamentale, à laquelle il joint, ce qui est aussi relativement intéressant, la critique du mariage, à la mode occidentale en tout cas, dont il dit que c'est une forme de propriété et parmi les plus odieuses parce que c'est la propriété d'une personne. Critique du mariage, donc critique également de l'autorité des parents ou des adultes sur les enfants. Et à ce propos, il a des conceptions de l'enfance et de l'éducation qui me paraît tout à fait originales. Enfin, par rapport à Rousseau ou à Helvétius, d'autres d'avant, il est à mon avis un des premiers à considérer l'enfant comme une personne totale et considérer l'enfant dans sa souffrance éventuelle, souffrance due au système d'éducation et due également, qui est encore accrue pour les enfants des pauvres auxquels les prédécesseurs ne faisaient guère attention. Donc voilà, et au-delà aussi, mais enfin, c'est pas quelque chose qui est énormément développé dans l'enquête sur la justice politique, critique de la religion, mais là, dans l'enquête, c'est surtout critique des institutions religieuses. Donc, la première édition paraît en 94, non, 93, je ne me rappelle plus, 93, voilà. C'est un énorme succès qui n'était pas attendu. Et donc on en tire il y a des espèces d'éditions pirates pour l'époque qui se font, on invite partout pour en discuter, c'est un succès très grand, au point qu'en 1797 il fait une seconde édition où il a beaucoup modifié sa première version des choses dans un sens un peu moins utilitariste et un peu plus... comment dire, ben, à la fois la critique fondamentale de la propriété et du gouvernement est affirmiste, est plus claire, plus nette, mais en même temps, il est vrai, il met un peu il tempère un peu certaines des expressions qu'il utilisait. Par exemple, dans la première édition, et quand il parlait de l'anarchie, ce qui à l'époque était, l'anarchie c'était le chaos, quoi. Enfin, c'était pas, quand il parlait de l'anarchie dans la première édition, il disait que parfois il pouvait en surgir quelque chose de meilleur. Dans la deuxième édition, il dit simplement que effectivement c'est moins pire que la tyrannie d'une part, parce qu'on peut en sortir, et que d'autre part, ça permet une grande ébullition de la pensée, enfin les gens discutent et tout, mais il dit également que en même temps, c'est la porte ouverte à la démagogie, au pouvoir des partis, enfin des associations politiques, Et là, il y a quelque chose effectivement d'assez prémonitoire dans Godwin, dans la mesure où il voit assez ce que peut les inconvénients des révolutions qui ont eu lieu par la suite. Deuxième édition en 1797, et là il se passe un truc, c'est que l'Angleterre est entrée en guerre avec la France, et du coup tous les... Déjà avec la première édition, il s'était fait un peu mal voir des Jacobins, parce que justement, par sa critique du gouvernement, et sa critique quand même de certains aspects de la Révolution française. Et Verdi Pop, au moment de la parution de la deuxième édition, il y a l'entrée en guerre de l'Angleterre contre la France, et du coup, la plupart de ces anciens opposants qui étaient jacobins ont changé de camp et sont passés du côté conservateur. Moi, c'est un truc qui me fait penser à ce qui a pu se passer après 68, où on voit un certain nombre de leaders gauchistes dans les ministères ou par là, quoi. Et du coup, il a été soumis à des tas de critiques, des tas de calomnies même, enfin des romans où on décrivait qui étaient des sortes de parodies de sa vie ou de la mise en pratique de ses théories. On l'accusait de tous les maux, de prêcher la perversité sexuelle, alors que le pauvre, il était plutôt quand même assez cric-crac de ce côté-là, quoi. Entre-temps, quand même, il s'est passé aussi à cette période-là la rencontre avec Mary Wollstonecraft, qui est l'ancêtre, si l'on veut, du féminisme, et une grande histoire d'amour entre lui et Mary Wollstonecraft, d'où est née Mary Godwin, qui devint par la suite Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Donc voilà, 97, donc deuxième édition, 98, troisième édition. Entre-temps, donc, ça tourne mal pour lui, à la fois sur le plan politique, parce qu'il est rejeté de tout le monde, du coup, et sur le plan personnel, Mary Wollstonecraft meurt à la naissance de Mary Shelley. Donc voilà, il se retrouve à la fois désemparé sur un plan moral, mais également sur un plan matériel, puisqu'il récupère donc sa fille, Mary Shelley, plus tard, la fille qu'avait eu Mary Wollstonecraft c'est célibataire, quoi. Et donc, de fait, il écrit, enfin, à ce moment-là, enfin, un truc que j'aime bien, qui s'appelle Penser en réponse à des serments, enfin, qui sont une réponse à toutes les critiques qui lui ont été faites, où il dit, je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais quelque chose du genre, à l'époque, tout le monde me reprochait d'être trop prudent, de ne pas être assez révolutionnaire. Maintenant, les mêmes me reprochent de continuer à penser comme je pensais avant, alors qu'ils m'excusent. Je suis tombé dans la même fosse que la cause de la liberté, Donc, une période difficile qui continuera jusqu'à sa mort, en fait. Il n'écrit... Alors, parallèlement, en même temps que la deuxième édition, tout à l'enquête sur la justice politique, paraissent deux ouvrages importants. Un de ses romans, qui est le plus connu, qui s'appelle Caleb Williams, ou Les choses comme elles sont, dans lequel il développe en fait un aspect qui est déjà présent dans l'enquête sur la justice politique, qui est le poids des préjugés. Mais ce qui m'intéresse, enfin ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce poids des préjugés, c'est quelque chose qui est intériorisé, et les personnages de Caleb Williams sont entraînés malgré eux dans une espèce d'horrible roman noir, enfin dans une espèce de traque, parce que justement ils sont victimes les uns et les autres des préjugés qui les ont conduits là. Et donc Caleb Williams, et également un autre ouvrage d'essai qui s'appelle The Inquirer, l'accent c'est pas exactement ça, hein, bon, on manners and education, enfin une littérature. Oui, il parle donc beaucoup de. C'est pas du tout. Il dit lui-même qu'il a que c'est différent de l'enquête sur la justice politique, mais qu'il a voulu travailler autrement, c'est-à-dire de manière pointilliste en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres où il parle. Il y a, notamment, il parle beaucoup de l'éducation dans cet ouvrage. Et d'une manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus. Mais ses idées restent les mêmes. Au tournant du siècle, donc, il tombe dans l'oubli. Il écrit encore des romans, mais ça n'a pas grand succès. Il se remarie, donc il récupère encore des enfants. Donc il est dans la débine, ce qui lui a été beaucoup reproché. Il tape un peu tout le monde, il essaye de parce qu'il n'en sort pas. Hein. Et il. Donc oui, il écrit des romans qui n'ont pas beaucoup de succès. Il écrit des œuvres alimentaires aussi, ça ne marche pas fort. Et il essaye à plusieurs reprises, ce qui est quand même intéressant, de monter des maisons d'édition pour enfants, où sur un plan de réputation, ça marche pas mal, parce qu'il a il y a William Blake, enfin notamment, enfin des tas de poètes qui travaillent avec lui, qui l'aident à publier, mais sur un plan financier, apparemment, il ne savait pas trop se débrouiller, ce qui fait qu'il est plusieurs fois, il est obligé de mettre la clé sous la porte. En 1800, je ne sais plus en quelle année, en 1812, je crois, Shelley, 13 peut-être, ouais, 11, oui, bon. Shelley lui écrit une lettre enflammée parce qu'il dit, alors voilà, je vous avais placé parmi ceux qui étaient morts, enfin parmi les grands, il croyait qu'il était mort, et il découvre qu'il est encore vivant, donc, ils deviennent très amis, et peu à peu, la petite Mary Wollstonecraft a grandi. Et Shelley devient aussi amoureux devient aussi, oui, parce que je pense qu'entre William Godwin et Shelley, il y avait comme une histoire d'amour platonique, bien sûr, mais enfin, sans... Mais bon. Comment? Oui, ben Shelley, merci. Hein? Ouais. Donc il y a un peu des histoires entre eux parce que Shelley part avec Mary Wollstonecraft qui devient Mary Shelley alors qu'il est encore marié et donc Godwin supporte mal ce départ des deux quoi. Puis ça s'arrange parce que la femme de Shelley se suicide d'ailleurs donc il peut... Non, c'est... Et enfin, Shelley est l'un de ceux aussi qu'il a le plus tapé, mais en fait, Shelley, dans ce que j'ai lu, en tout cas, ne lui en veut pas trop pour ça. De temps en temps, il n'avait plus de sous, donc il lui disait, écoutez, je suis désolé, mais là, je peux pas quand même. Mais néanmoins, il dit des choses du genre que de toute façon, il lui doit son inspiration et que donc, on peut s'arranger comme ça. Shelley meurt. Il était riche à ce moment-là parce qu'il avait hérité. Et d'ailleurs, il faut dire quand même que Godwin, quand Shelley, avant que l'époque où il avait été déshérité, Godwin aidait Shelley aussi. Enfin bon, mais ça, c'était dans le moindre proportion. Mais je pense que pour lui, l'argent c'était quelque chose qui n'avait pas une grande valeur en soi. D'ailleurs, il l'a dit quelque part. Alors ils sont un peu embrouillés aussi Shelley et Godwin par la suite parce que finalement Shelley était beaucoup plus Godwin petit à petit tout en conservant sa critique fondamentale du gouvernement de la propriété et en approfondissant sa critique de la religion sur le plan des interventions directes était de plus en plus prudent peut-être échaudé enfin, c'est-à-dire qu'il est, son idée, c'est qu'il ne faut pas de mouvement insurrectionnel, il ne faut pas de parti. Et là, il y a une difficulté, effectivement. Il pense que les idées justes et vraies peuvent se répandre par les discussions en petits groupes, d'une part, et par l'éducation essentiellement. et par la lecture éventuellement, enfin des choses comme ça. Et Shelley, lui, par contre, il était beaucoup plus... Il a essayé de monter quelque chose en Irlande, enfin je crois, là je ne suis pas peut-être au courant, mais enfin il a essayé quand même. Il voulait créer un mouvement d'aide aux insurgés irlandais. Godwin lui disait à chaque fois, tranquille, non, c'est dangereux, vous savez bien que ça va mal tourner, etc. Et Shelley lui répondait quelque chose du genre, ça fait, je ne sais plus combien d'années que vous avez écrit l'enquête sur la justice politique, et les choses n'ont pas énormément changé, enfin bon. Donc voilà, il y avait un peu des difficultés entre eux. Parallèlement au fait qu'il a quitté un peu la scène politique, et il s'est au contraire beaucoup rapproché des jeunes poètes de l'époque, et là, Denise pourra peut-être en parler plus que moi, de Coleridge, qui connaissait déjà avant, enfin des jeunes poètes et même des littérateurs de son époque. Mais il gardait toujours, et jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé ferme sa condamnation du pouvoir. C'est tout pour le moment. Il est mort en 1836, donc il a vécu 80 ans, ce qui est pas mal pour l'époque, ouais. On lui reproche à la fin de sa vie d'avoir été gardien de je sais plus quoi, enfin de... en plus, ça a brûlé, enfin, il gardait la tour de l'échiquier, je ne sais plus trop quoi. Ça a brûlé pendant qu'il n'était pas là, il était à l'hôtel. Bon, mais... Donc, il a même... Oui, non, on lui a trouvé des espèces de sinécures, parce que justement, il avait quand même des soutiens parmi des gens qui étaient... des littérateurs qui avaient pris un peu de poids. Parmi les autres ouvrages, donc il y a pas mal de romans. Donc le seul que j'ai lu personnellement, c'est Caleb Williams. Et autrement, j'ai lu des extraits que j'ai pu trouver à droite et à gauche, des romans dans lesquels, enfin la preuve qui maintient, il y a un roman, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Mandeville, dans la préface duquel il parle, par exemple, des enfants dans les fabriques de soie à Lyon, et il décrit leurs conditions, enfin, avec un... Il garde, je crois, enfin, très, très profondément le sentiment de révolte contre l'injustice et contre la misère. Et enfin, un truc qui nous a frappé quand on l'a traduit, d'ailleurs, c'est qu'il parle, il est un des premiers, à ma connaissance, à parler des classes sociales, enfin, en termes explicites. Alors oui, il y a plusieurs choses, enfin, je vais faire des reproches quand même. Moi, le principal reproche que je lui ferais, c'est que, par exemple, quand il parle de l'éducation, il parle de l'éducation des garçons. Et chaque fois, pourtant, il avait connu Mary Wollstonecraft, il aurait pu lui... Je ne sais pas ce que ça veut dire, si... Et l'autre reproche, mais ce n'est pas un reproche, à mon avis, c'est que sur le plan, qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est vrai que c'est un peu faible pour lui. Je ne sais pas vraiment, enfin, comme je disais, il y a cette idée que la vérité doit se répandre de toute façon, comme un caillou qu'on jette dans l'eau, qui fait des ondes et tout, qu'on peut convaincre. Il garde quand même la conviction, en tout cas dans l'enquête sur la justice politique, et même après, que les riches ne sont pas complètement idiots, et qu'on peut arriver à les convaincre du fait que plus la misère se développe, plus leur richesse peut devenir précaire. Parce qu'un jour les pauvres se révolteront et qu'ils risquent de nous foutre en l'air. Mais bon, je défie quiconque d'aller voir Sarkozy ou Madame Parizeau et de les convaincre qu'il faudrait qu'ils laissent leur richesse, quoi, enfin, qu'ils les partagent. Donc là, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a une difficulté, mais c'est une difficulté qui est, à mon avis, la nôtre aussi aujourd'hui. Dans la mesure où c'est vrai que révolution, qu'est-ce que ça veut dire, comment, quelle forme, qu'est-ce que... Enfin, je ne sais pas non plus. Son dernier ouvrage, simplement, qui a été publié de manière posthume par sa fille, mais 40 ans après sa mort, je crois, c'est les essais Never Before Published, c'est quelque chose à quoi il a travaillé toute sa vie. Il voulait... C'est des essais sur, en fait, sur la religion, sur la croyance et tout ça. Et à l'arrivée, arrivé à la fin de sa vie, au début, il était croyant, calviniste et tout. Puis il est passé à l'athéisme et à la fin de sa vie, il est arrivé à une espèce de déisme, panthéisme, un peu à la manière de Spinoza, où il pense qu'il peut y avoir une espèce d'harmonie dans l'univers, mais que cette harmonie n'est pas liée à l'existence d'un personnage qui serait Dieu. Et de toute façon, il conserve la critique radicale des institutions religieuses. Curieusement, il est plus sévère contre le christianisme que contre l'islam. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, ses essais, et il est mort sans avoir pu les publier. Donc, ils ont été publiés 40 ans après ça. Bon, alors, tu as dit tellement de choses qu'il ne vous reste pas grand chose à ajouter. Mais cependant, moi j'ai pris les choses par un autre bout, et c'est peut-être ça qui peut être intéressant, je pense. Moi, je suis partie de la connaissance assez profonde que j'avais de William Blake, dont tu as parlé. William Blake était un poète pré-romantique, qui a publié ses premiers poèmes en 1789. Qui s'appelait Esquisse poétique. Et ces esquisses poétiques, il avait à ce moment-là à peine 30 ans, n'ont pas été répandu beaucoup dans le monde, mais il s'est trouvé que Blake, qui était non seulement un poète très intéressant et à beaucoup d'égards un précurseur, était aussi un artisan. Et ça lui donne une dimension tout à fait particulière, non seulement dans le monde intellectuel de l'époque, mais je dirais dans le groupe d'intellectuels révolutionnaires, entre guillemets, qui se réunissaient chez un certain libraire de Londres. Il y avait toute une, bon, j'ai envie de dire coterie, mais c'est pas le mot. Enfin, il s'appelait les Amis de la Liberté. C'était un club. Amis de la Liberté. Et ce qui est important là-dedans, c'est liberté. Car Blake a été l'un des premiers, par sa poésie, par le fait qu'en tant qu'artisan graveur, il était aussi peintre. Il faisait tout ça à la fois. Et comme tu as dit, il a effectivement travaillé à l'occasion avec Godwin. Donc, Blake... poète, juvénile, un petit peu évaporé, chevelé, un peu fou, très peu dans ses premières poésies, beaucoup plus plus tard, se trouvait donc dans ce groupe qui se réunissait souvent, et y rencontrait, pour commencer, Thomas Paine, dont tu as parlé, Thomas Paine qui non seulement était celui qui a écrit L'âge de la raison, et qui a écrit aussi Les droits de l'homme, mais qui de plus est allé se battre en Amérique. Alors lui, il est allé se battre, ce n'était pas seulement des mots. Et quand il est revenu vers l'Angleterre, alors il y a eu des événements qui l'ont intéressé en France, et contrairement à ce que beaucoup d'Anglais, à l'attitude qu'ont eu beaucoup d'Anglais à ce moment-là, de se réfracter, de se refermer sur eux-mêmes, lui s'est trouvé élu député à la Convention française. C'est quand même assez drôle. Donc lui, il a suivi le mouvement de la Révolution française, ce peine. C'était le deuxième. Il y avait une troisième personne, dont tu as parlé aussi, qui s'appelait Mary Wollstonecraft. Alors cette Mary, c'était non seulement la première des féministes, je dirais bel et bien la première, effectivement, mais elle a écrit, en 1790, une revendication des droits de l'homme, 90, suivie en 1792 d'une revendication des droits de la femme. Et ça, c'était vraiment nouveau. C'était vraiment nouveau. Et si Godwin, plus tard, nous parlera de l'éducation des hommes, je pense que Mary s'est bien chargée de l'autre aspect de la question. Mary s'est occupée effectivement d'une certaine libération des femmes, qui était bien nécessaire à cette époque, comme elle l'est encore. Cette Mary Wollstonecraft a connu Godwin dans cette réunion de ce club de la liberté, et ils se sont mariés en 97. On est toujours en pleine période de la Révolution française. Hein. En 1997, il y a eu la naissance de cet enfant qui a causé la mort de la mère et qui se trouve avoir eu après, je ne suis pas sûre qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est bien lui qui, non pardon, cet enfant c'est Mary, qui est devenue la femme de Shelley, on est d'accord, c'est ça. Donc, cette intrusion, si je puis dire, de Shelley dans la vie de Godwin, me semble avoir été d'une extrême importance. D'abord parce que Shelley avait de l'argent, effectivement, peut-être pas tout de suite, mais il en a eu, et que Godwin n'en avait pas. Mais aussi parce que, à mon avis, Shelley est allé beaucoup plus loin dans les revendications, notamment révolutionnaires, que Godwin. Et il y a notamment un texte qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, hein, qui est le Prométhée délivré. C'est quand même quelque chose de phénoménal, le Prométhée délivré. C'est une pièce dans laquelle il montre l'homme enchaîné par les dieux de l'Olympe, enchaîné à qui il a, parce qu'il avait voulu dérober le feu du ciel, c'est-à-dire la liberté, et qui se bat pendant un temps absolument infini, évidemment, comme toujours dans ces histoires, et qui finit par arracher sa liberté. Alors ça, là, il arrache sa liberté, vraiment. Et voilà, donc, à la suite, bon, dans la même époque, Blake écrit une série de poèmes révolutionnaires, tous, enfin, moins intéressants pour ce qui concerne Godwin. Je reviens un peu en arrière. Je voulais signaler aussi que c'est un peu par hasard que j'ai travaillé avec Alain, c'est par l'intermédiaire de Claire, qui m'a dit que Alain avait besoin d'un coup de main pour sa traduction de Godwin. Je ne suis pas précise du tout, mais bon. Voilà. Et alors il se trouve que moi j'étais en plein dans la période anglaise, puisque je travaille depuis 15 ans en réalité sur le fameux Smith, qui est loin d'être passionnant, mais enfin, tout intéressant quand même, et qui s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait, justement, au moment de la déclaration d'indépendance américaine. Donc, on est toujours en plein dans la même période. Et Blake, sur lequel j'ai travaillé alors en tant qu'étudiante, je le connaissais très bien. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à faire, à travailler en tandem avec Alain. Pour dire un dernier mot sur Blake, parce que c'est quand même lui qui est au fond de mon cœur le plus, il a écrit des poésies absolument magnifiques, et notamment, il parle des enfants, il parle des petits chimney sweepers, je ne sais pas si tu te souviens de ça, c'est-à-dire des, comment on appelle ça, ramoneurs, des petits ramoneurs, et il parle de leur situation lamentable de petits ramoneurs. Il parle aussi des animaux et des choses, et ça c'est tout à fait étonnant, car il trouve une parenté, il met presque une âme dans les choses, et on le sent vibrer avec tout ça, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, ça c'est le romantisme, vous me direz, d'accord, mais enfin, bon, et puis pour ce qui est de l'amour, alors Blake, tout au long de sa vie, et y compris avec ses grandes pièces, entre parenthèses, qu'il appelait prophétiques, en réalité, qui étaient très profondément incarnées dans la situation politique de l'époque, puisque l'une s'appelle, il y a je ne sais pas combien, peut-être 2000 vers, je ne sais pas, ça s'appelle la Révolution française. Une autre, il y a autant de vers, c'est la Révolution américaine. Il y a les livres de Tell, il y a Valla, les Zola, enfin, tous des trucs complètement échevelés. Mais là-dedans, il y a toujours des histoires de couples qui se sont aimés et qui se déchirent. Et non seulement il les décrit en mots, mais il y a toujours ces gravures et ses dessins. Et alors, ses livres sont absolument parsemés de ses dessins impressionnants, avec des un homme et une femme qui sont dos à dos et qui tirent avec d'énormes chaînes qui les retient. Il fait de l'enfer d'un côté, enfin c'est dantesque aussi, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, l'amour, il connaissait. C'était... Bon. On raconte même une histoire assez drôle, mais enfin pour ça. C'est qu'il avait une femme charmante, je ne sais pas si elle était très très évoluée autant que lui, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il lui a un jour, dans cette période-là, proposé de recevoir une autre femme. Et il a tellement pleuré qu'il a abandonné ce projet. Voilà notre Blake, et voilà notre Godwin, on est descendu sur Terre. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ah oui, on a le droit de poser des questions. Merci. Alors, s'il y a beaucoup de questions, vous dites votre prénom, je vous marque, et puis donc, tu peux y aller parce que tu es oui, attends, je précise qu'on parle autour de table. Si vous avez pris la parole une fois, vous pouvez la reprendre 10 fois, mais toujours autour de table, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, si ça commence à un endroit, bah, on tourne. Alors, vous avez dit que Shelley avait de l'argent. C'est vrai, je veux dire, moi je ne savais même pas que le Prométhée de Diffray était manifeste en fait, de ce principe de poésie. Mais Goldman, alors, il était pauvre. Donc, qui était ça, son critique? Pour qui écrivait-il? Quand il faisait ses textes. Pour qui écrivait quoi? Écrivait-il Godwin. Godwin. Mais. L'enquête sur la justice politique a eu beaucoup de succès, la première édition. Hein. Donc il écrivait, il a eu même un succès inattendu, puisque le gouvernement de Pitt avait pensé l'interdire, et s'était dit, bon c'est pas la peine parce que ça coûte très cher, mais c'était un mauvais calcul, parce que justement il y a eu des reproductions pirates et tout ce genre de choses. Parmi quelles couches de la société ça? Mais Bah, apparemment, d'après ce qu'il dit dans ses mémoires, un peu partout, enfin, c'était, mais je pense qu'il y avait quand même, tout le monde ne savait pas lire, donc c'était quand même des couches intellectuelles, quoi. Mais il dit qu'à la suite, il a été invité dans des conférences un peu partout en Angleterre, qu'il y avait toujours un public enthousiaste et tout ça. Mais ça, c'était effectivement le début. Alors après, ses ouvrages d'après, je pense que c'était lu par les intellectuels de l'époque, j'imagine. Et par contre, donc, il a essayé de faire ses éditions à l'usage des enfants, des écoles, donc, où ça marchait, d'après ce que j'ai pu lire, enfin ça marchait, effectivement, ça marchait pas mal, mais où financièrement, c'est pas retrouvé. D'ailleurs, à ce propos, il y a aussi une anecdote. Il avait fait un livre sur les dieux grecs et il y avait des illustrations. Malheureusement, les dieux étaient nus. Enfin, le dieu était nu et donc, du coup, les évêques, tout le monde a dit c'est pas possible, le livre a été retiré. Et il a fait corriger, il a mis, je sais pas quoi, une feuille de vigne et il a écrit, même, il avait quand même un certain sens de l'humour, il a écrit voilà, j'ai réussi à habiller les dieux pour la modique somme de je sais pas combien, ce qui parlait tant du cours et pas cher du tout. Mais donc il avait ce public aussi donc d'enfants, enfin, sur lequel il comptait en tout cas. Pour qui il écrivait? Il écrivait. Ben, c'est vrai aussi que même l'enquête, à mon avis, il s'adresse quand même plutôt aux privilégiés qu'il pense être éclairés ou pouvoir être éclairés. Parce que c'est à eux qu'il dit, bon, réfléchissez un petit peu, en gros, d'une part, l'inégalité des richesses, c'est une injustice, donc si c'est une injustice, ça ne peut pas perdurer, et d'autre part, si vous continuez comme ça, ça va vous retomber sur la gueule. Donc c'est essentiellement quand même à ces gens-là, ils ne s'adressent pas effectivement directement au peuple, mais on dirait qu'ils témoignent de la part du peuple. Parce que c'est vrai qu'il a... Quand il parle de la misère des paysans ou de la misère des enfants dans les fabriques et tout, il a des accents quand même extrêmement révoltés. Bon, il n'a jamais mis les pieds à Lyon dans les fabriques de soie, puisqu'il n'a jamais quitté l'Angleterre. Mais on a l'impression quand même qu'il y est, qu'il ressent cette misère comme quelque chose de viscéral en quelque sorte. Et d'ailleurs, un autre aspect peut-être c'est qu'il est à la transition, enfin sur un plan politique, historique des choses, mais également sur un plan en quelque sorte de littérature, puisque inspiré par l'époque des Lumières, c'est-à-dire Rousseau, Helvétius et tout ça, Voltaire éventuellement, mais on en parle moins. Et il tourne vers le romantisme, enfin mais le romantisme prolétaire. Je ne sais pas si j'ai. Oui, je connais certainement. Vous allez voir, ça va être à la pagaille. Je marque les noms. Hein. Les gens mettent comme vous voulez. Et tout le monde n'a pas quelque chose à dire autour de la table. Mais non, dans le bon ordre. On passe son tour, c'est tout. Voilà. Donc oui, je connais certainement moins bien Godwin que vous, sans doute, hein, parce que je n'ai pas lu tout ça. Mais par contre, j'étais surpris que vous ne disiez pas un mot de ce qui m'a paru, moi, le plus intéressant dans le problème de Godwin, et en particulier dans le débat entre Godwin et Malthus, c'est-à-dire Godwin qui dit « l'avenir est optimiste, les ressources vont augmenter, donc c'est l'abondance, donc on va travailler une demi-heure par jour », et puis Malthus qui lui répond, parce qu'en fin de compte, malthusianisme vient de là, et en réalité, il lui répond, la plus grande partie du bouquin de Malthus, c'est une réponse à Godwin. Ouais. Et donc, là, à mon avis, il y a un problème majeur, c'est-à-dire, Malthus dit non, ça ne marchera pas aussi bien que ça, parce qu'au fur et à mesure que les ressources vont augmenter, la population va augmenter, et ensuite, on va se casser la gueule, c'est-à-dire, ça va se plafonner. Hier au soir, on était dans une conférence sur la décroissance, et je crois que le débat est complètement d'actualité, est-ce que vous en dites? Normalement, je fais partie de là-bas, même les orateurs, ils répondent. Ils sont pas astreints autour de table. Je voudrais dire un tout petit mot, si vous voulez. Ce que vous dites est fort intéressant. Et j'avais pensé à Malthus, moi, par rapport à Smith, figurez-vous. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous avez attaqué Smith. Voilà. Car pour Smith, dans la mesure où il y a des besoins, il y a nécessairement ce qu'il faut pour les satisfaire. Hein? Bon. Et Malthus dit le contraire. Il dit que automatiquement, la population... Donc il a répondu d'une part que les ressources étaient inépuisables, qu'on pouvait encore, bon, ce qui est discutable, effectivement ce qui s'avère discutable aujourd'hui, mais il a répondu également sur un plan qui me paraît plus prémonitoire, plus intéressant, en disant que, en gros, enfin, je caricature mais à peine, que dans les endroits où il y avait trop d'enfants, on s'arrangeait pour les donner aux cochons à la naissance. Ah ben oui, en Chine. Et donc, il pense à quelque chose comme la limitation des naissances. Oui. Enfin, non, mais il dit textuellement que si ça devait arriver, on trouverait le moyen de limiter les naissances. Mais bon. Si, mais il y a la misère avec, enfin, oui, pour lui, ça va de pair aussi avec le progrès de la pensée, le fait de, enfin, tout ça. Bon, alors, moi, je remercie nos orateurs, mais je vois que vous avez fait un livre de 500 quelques pages, c'est le tonnerre au travail que ça comporte. Ben c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Godwin, nous. C'est travail. Et moi, je parle d'un principe que ceux qui travaillent, même si le fort se trompe, il a toujours raison. Ceux qui a tort, c'est celui qui ne fait rien. Celui qui ne fait rien, pour moi, il a tort. Parce que si on veut construire une société meilleure que celle que nous avons, il faut travailler. Alors voilà mon principe. Solomon aurait quelque chose avec ça. C'est pas l'être là-dedans. Alors, la philosophie politique anarchiste. L'anarchisme, c'est apolitique. Alors, le mot philosophie politique, c'est de trop. C'est de trop. Je vais continuer, j'ai marqué tout ça. D'abord, je m'excuse et j'ai oublié les excuses de notre président de l'Ivo Pansedex, qui a été opéré dans quelque chose d'oreille. Je m'excuse de ne pas pouvoir venir à ce que dans cette conférence. Alors, Roland Breton, il fait partie aussi de la revue Le Réfractaire, sûrement que vous le connaissez, Roland Breton. William, alors, après l'échec de l'idée libertaire, parce que après, c'était le chaos, tout ça, bon. Mais les idées libertaires, malgré William Wynne, tout ça, ils n'ont pas eu d'échec. Au contraire, les idées libertaires ont été pratiquées en Ukraine pendant un certain temps. En Espagne, on a perdu la révolution, mais on n'a pas perdu les idées. C'est pas un échec, au contraire. Ici, j'ai plein des études de tracts sur la révolution. La révolution à Aragon. Et là, c'est pas le papa blanc, c'est tout le fait que tout le monde est dit. Beaucoup de gens y connaissent là. Hein? Si. Donc, les idées libertaires, ça n'a pas été l'échec. On a perdu la révolution, mais on n'a pas perdu les idées. C'est pas pareil comme les Français. Les Français, ils ont perdu la révolution, et l'idée de la révolution aussi. Alors, c'est pas la même chose. Alors, je vais continuer. Alors, tu nous as dit, Denise, hein? Il a été en Angleterre, il avait créé la famille de la liberté, la Ligue au Val de l'Homme, tout ça, c'est très bien. Mais dans la Ligue au Val de l'Homme, moi j'ai fait partie pendant longtemps, à Aix-en-Provence. Le président s'était nommé Mac Juvenal, député socialiste à l'époque à Aix. Lui était socialiste et moi j'étais socialiste libertaire. Et dans la majorité d'adhérents de la Ligue au Val de l'Homme, j'étais réfractaire au mot anarchiste. Alors, voilà. Et à cause de ça, j'étais obligé de quitter la Ligue passée d'Aix-en-Provence. Alors, tous ceux qui sont dans la Ligue aux droits de l'homme, ils ne sont pas précisément pour le libertaire, je vous le dis. Je ne parle pas d'expérience. Alors, tu as dit, voilà, l'éducation de mon frère, tu as dit. Alors, c'est une éducation qui peut se faire par la lecture, la discussion, et ça, c'est la raison. Moi, si je suis venu à l'Institut de liberté, ça a été par la lecture. On faisait des brochures à l'époque, l'idée libre. Pour chaque bureau, on le distribuait même gratuitement, en payant dans notre poche. Dans les quartiers, tout ça, et on a fait beaucoup de réclames avec des petits brochures comme ça. Et le soir, on se réunissait dans la place du village et on faisait des causeries dans la place du village. Et on parlait de liberté. Les gens y venaient. C'est comme ça qu'on a fait la propagande en Espagne pour le communisme libertario. Assez Donc là, je suis d'accord, ça a été dit, l'éducation, ça a été fait. dans la discussion. Et dans la lecture, tout ça. Alors après, qu'est-ce que Tu as une question à poser à Alain et... Bon, après, tu as un problème, mon frère. Les préjugés. Les préjugés, c'est vrai qu'on a tous des préjugés. Et comme l'a dit le philosophe, les préjugés sont plus difficiles à détruire qu'à la destruction de la tombe. Après, qui c'est Ernest Pascal. Les préjugés, il y en a beaucoup là. Alors, tu as dit, il voulait être pasteur, il avait perdu la foi, non, il n'a pas été pasteur. Alors, il faut se méfier. Les pasteurs, ils ont beaucoup de choses à voir qui se ressemblent à l'anarchisme, mais ils ne sont pas anarchistes. Hein. Ah bon? Alors, je veux dire, c'est une bonne réponse. Par l'expérience, à Aix, nous avions un qui avait construit à faire le groupe anarchiste Aix. Il était la fac, Aix-en-Provence, et un beau jour, moi je le souviens, ça va très bien, un beau jour, écoute, je laisse tomber, mes parents ils sont protestants, je rejoins mes parents. Il m'a laissé tomber comme ça. Alors, le protestant, il faut se méfier, hein. Ils sont anarchistes, mais au moment de mettre la pratique, ils ne sont plus. Bon, je crois que pour le moment, je m'arrête pas, je laisse suivre la parole aux autres. J'ai dit pour le moment. Et intervenir, il a dit beaucoup de choses. Oui, après sur les choses que je me rappelle. Effectivement, la philosophie politique est monopolisée par les gens qui pensent que la seule formation politique possible est l'État. Mais je pense que si on considère comme politique simplement toute idée d'organisation de la société ou de vie en société, l'anarchisme aussi fait partie d'une philosophie. Peut-être considéré comme une philosophie politique, comme une pensée politique. Et donc, c'est pas par hasard, en tout cas, c'est le titre de Godwin, c'est effectivement l'enquête sur la justice politique, parce que la justice sociale est, en somme pour lui, un moyen d'arriver à la justice politique, c'est-à-dire à la reconnaissance de chaque individu comme membre de la collectivité et comme ayant droit à parler entièrement, enfin à une participation pleine et entière. Sur bon, simplement pour replacer, je ne sais pas s'il y a eu échec ou pas de la pensée anarchiste, mais Godwin, il faut le resituer quand même dans son époque, et ce que... Ben quand même, enfin, je voudrais profiter de ce que tu dis pour trouver, enfin, je pense qu'il y a une difficulté aussi dans la pensée de Godwin, c'est qu'il a très peur de la foule. Enfin, c'est quelque chose qu'il ne sent pas. Et quand il sent des relations entre les individus, c'est des relations d'esprit à esprit, et je pense qu'il n'a pas perçu ce qu'il pouvait y avoir, ou il l'a perçu uniquement sous l'aspect négatif, qui n'est pas faux, mais ce qui peut se passer de communication affective entre une foule, quoi, dans un mouvement de foule. Donc de ça, il a très peur, et effectivement, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il craint la révolution. Et par ailleurs, sur un plan plus objectif, effectivement, il écrivait le deuxième tome au moment de la terreur, et il avait des raisons objectives de penser que la révolution monopolisée par les partis était un truc... dangereux pour tout le monde. Moi, j'aimerais dire une toute petite chose au sujet des protestants, notamment dont vous avez parlé, qui concerne aussi Alain d'ailleurs. Godwin parle effectivement avec beaucoup de dureté. Je pense qu'il s'adresse à l'Église d'Angleterre. Ça, il faut le dire. Hein. L'Église d'Angleterre, c'est une Église établie. Et lui, il était, tu as dit, janséniste. Calviniste, oui, calviniste. Calviniste. Hein. Il était protestant, donc. Oui, au départ. Hein. Donc, protestant, c'est pas Église établie. Hein. C'est pas anglican. C'est pas la même chose, c'est pas anglican. Les calvinistes, à l'époque aussi, enfin du moins, il y avait eu auparavant, si je... Enfin, tous les épisodes des 17 heures, c'était un peu dans l'optique, c'était un peu issu du calvinisme, les 17 heures. Non, c'est davantage Luther et puis c'est Henri VIII. Ouais. Hein, c'est venu de l'État, hein, en fait. Ouais, c'est ça. Lou. Ah, oui, ça c'est marrant, si vous savez qu'en même temps que vous avez publié cette œuvre ici en langue française, en même temps elle est parue en langue allemande aussi, la première édition. Mais j'ai vu c'est édité par Hermann Klein, vous savez. Non, mais j'ai vu sur le journal allemand, je ne saurais pas dire le nom, qu'il y avait une double page sur Godwin. Oui, je cite dans un compte rendu de ce journal. J'ai une question. L'auteur de ce compte rendu, il s'interroge s'il n'y a pas une manque de critique de colonialisme dans l'œuvre de Godwin. Parce qu'il dit que peut-être son philosophie de développement et puis aussi de philosophie un peu bourgeois, presque aristocratique, élitaire, un peu platonienne presque. Et il ne s'interroge pas, par exemple, sur les systèmes des sauvages américains qui, par exemple, dans les écrits de Thomas Jefferson, même en même temps, était là. Et Thomas Jefferson dit que probablement le système sans domination aujourd'hui, c'est le système des sauvages en Amérique. Mais c'est justement impossible de l'établir parce que notre population est plus gros et tout ça. Mais il a un certain regard pour les sauvages américains, même dans ses écrits. Ce qui manque dans l'œuvre de Godwin, il n'a pas une conscience sur les problématiques de colonisation. Il dit que les colonies sont un espace libre pour être colonisé, pour même envoyer les condamnés. Oui, tout à fait. C'est comme ça. Oui, je pense qu'il est effectivement alors, de ce côté-là dans la lignée des philosophes des Lumières qui pensent que il voit la raison et le développement de la lumière uniquement sous l'angle occidental, du progrès. Et il ne perçoit effectivement pas ce qu'il peut y avoir d'original et de qu'on puisse prendre chez ce qu'il appelle les sauvages, chez qui il perçoit cependant qu'il y a des liens affectifs qui existent et qui sont aussi forts que nous. Alors plus tard dans les essais Neither Before Published, il y a un passage où il critique fortement la colonisation, en tout cas de l'Amérique, par les Espagnols, enfin mais il les critique sous un plan humanitaire, quoi. Mais de fait, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs de l'époque qui avaient conscience, justement, c'est vraiment l'idéologie des Lumières, dont on a été victime jusqu'au milieu du XXe siècle, en pensant que... à la limite, bien que je ne sois pas qu'ancien du tout, à la limite, quand il dit que quand on va dans un pays étranger, on doit respecter... c'est peut-être celui qui est le plus conscience de ça, quoi. Mais... effectivement, c'est également une difficulté dans la pensée de Godwin, je pense. Ça, c'est pas grave, je voudrais dire, bien sûr. Un grand monde qui était conduit par les colonies, par faisait partie de l'époque des noms de la religion, d'ailleurs. Ouais. La plupart des gens des Lumières étaient déistes. Enfin, tu voulais ajouter quelque chose? Thierry, alors. Eh ben oui, mais c'est pas à tour de table. Alors Thierry. Non, mais Thierry a demandé la parole il y a un quart d'heure aussi. Moi, tant que je présiderai, mais ne m'élisez plus, parce que moi, je me suis pour le tour de table. On fait le tour de table, et puis c'est tout. Et puis ça va. Il y a qui a demandé la parole il y a 10 minutes. Il y a maintenant, il y a un quart d'heure que j'ai demandé la parole. Je ne pense pas que c'est pas tout. C'est difficile de faire un tour de table. Mais non, on l'a fait. Non, mais il y a deux tables, dédoublez la table. Écoutez, une fois, il y a deux dames qui sont venues ici qui n'étaient pas libertaires du tout, et qui, avant de partir, sont venues me féliciter pour la manière dont les débats ont été déroulés. Alors, pose ta question. Alors, les amoureuses. De moi, oui, surtout celle qu'il faut dans la campagne et quelques balais. Qui est attaché, voilà. Alors, je vais un peu m'éloigner, mais excuse-moi de repoyer là-dessus, mais enfin, tu as parlé de la première femme féministe, dont le nom m'échappe maintenant, mais j'ai découvert cette semaine, parce que ma culture était un peu récente, je ne lis plus, je n'y vois plus, je ne peux plus lire, mais je suis branché sur France Culture en 24 heures sur 24. Bon. Et j'ai découvert une féministe qui, n'étant pas dans une organisation où ne prétendant pas organiser les femmes, était féministe, c'est Madame Duchâtelet. Et Madame Duchâtelet est une aristocrate qui avait un niveau intellectuel tel que les Lumières, hein, Diderot, tout ça, tenaient le plus grand compte de ce qu'elle disait. Et elle disait, oui, bien sûr, mais il n'y a pas de raison d'exclure les femmes. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Ah bon. Hein? Ce qui n'est pas toujours admis. Moi, j'ai vécu dans des sociétés où on ne voulait pas en punir. Aujourd'hui, hein? Enfin, aujourd'hui, il y a quelques années, eh bien, cette Madame Duchâtelet, elle avait une culture tellement phénoménale que bien des hommes étaient obligés d'être suspendus à ses lèvres, comme l'a été Voltaire et comme l'ont été d'autres. Hein? En plus, elle avait une personnalité qui n'était pas seulement intellectuelle, elle avait un tempérament volcanique, elle avait la sensualité de Voltaire qui avait tendance à s'éteindre, hein, parce que, et cette femme, c'est quelque chose de prodigieux. Si un jour vous rencontrez cette texte, moi je l'ai rencontré, je peux plus lire, eh bien c'était au 18e siècle, quelqu'un qui parmi les Lumières, c'est-à-dire qu'il y avait tous des hommes, Diderot, D'Alembert, et puis les autres, ouais. Eh bien, elle avait le poids qu'avaient les hommes de l'époque. Et j'ai aussi, sur France Culture, découvert quelqu'un, si vous jamais vous le rencontrez, qu'on a classé dans les Lumières tardives. Je ne sais pas qui a fait le classement. Vous savez qu'il était admis parmi les Lumières de l'Europe que l'avenir était dans l'institution d'un despote éclairé. On disait avec un despote éclairé, la société évoluera mieux et ainsi de suite. Voltaire. Oui, pas uniquement Voltaire, la plupart des philosophes d'Europe admettaient que la monarchie, c'était limite, et qu'il y a un despote éclairé, c'est-à-dire qu'il y avait quelques lectures, sans doute, qui maintiendrait une société plus égale et plus juste. Et là, toujours sur France Culture, j'ai qu'une source, j'ai rencontré un nommé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a nommé Alfieri. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alfieri, absolument. Ah, merci. Parce que comme je ne peux pas. Comme je ne peux pas. C'est le premier mec qui s'est largué. Je ne sais pas si c'est le professeur, mais c'est un peintre. Ah ouais. Non, mais c'est pas celui qu'elle a connu en France et qu'il a laissé. Alors, cet Alfieri se trouvait en France au moment de la révolution de 89. Et quand il était très clairvoyant, il a vu comment ça allait pas tourner. Il a vu venir, alors 89, la terreur n'existait pas encore, mais lui, il a vu venir. Et il en a tellement eu la tête qu'il est retourné en Italie. Et cet Alfieri disait non, on ne peut pas, la société ne peut pas être organisée sous l'autorité d'un seul homme. Il faut donc que ce soit quelque chose de plus général, de plus étendu, pour que cette société puisse évoluer d'une manière intelligente. Autrement, on va tomber dans l'erreur encore de l'homme qui croit être désigné par la Providence. Et cet Alfieri, c'était prodigieux la lucidité qu'il avait dans l'événement. Il s'est vite retourné en Italie, il s'est méfié de Napoléon, qui a pu venir, et c'est formidable ce que ce gars-là a pu dire dans le moment. On l'a placé, pourquoi dans les Lumières tardives? Parce que, évidemment, lui, il avait dépassé le despote éclairé qui était souhaité par les Lumières de l'Europe. Parce qu'il n'y avait pas que la France. Hein. Et c'était donc prodigieux de lucidité. Alors, si ça se rattache, vous allez me dire, avec Baudouin, il a vu venir ce que Baudouin n'a pas toujours perçu, je suppose. Et ça a été prodigieux que cette Madame Duchâtelet au XVIIIe siècle avait vu. Et Madame Duchâtelet disait non, hommes et femmes sont faits pour se rencontrer et pour se donner les plus grands possibles, les plaisirs possibles que l'homme et la femme peuvent rencontrer. C'était au XVIIIe siècle, c'était pas mal, hein. Catherine II de Russie disait la même chose. Non, Catherine II de Russie, elle était machiste à sa façon, c'est-à-dire qu'elle était la tsarine, elle consommait du mal autant qu'elle pouvait, elle a fini par dire, j'ai connu 2000 d'entre vous savez, ça varie pas tellement. Hein. Bon. Pouvons-nous revenir à Claude Louis? Oui, on va revenir à Claude Louis, ça se voit. Donc, je pense que Alfieri a aperçu des choses que Godwin, il était au XVIIIe siècle aussi, qui était en Angleterre, il avait certainement une possibilité de recul pour juger les événements qui étaient dans la France, et il ne semble pas avoir perçu ce que la Révolution française allait devenir et dans quel. Finalement, la Cadermont, elle est arrivée avec l'homme providentiel qui a été pour beaucoup Napoléon. Que moi, et que les Français sont toujours prêts à admirer. Parce que si les autres ont fait des massacres et ainsi de suite, c'est pas pareil, ils étaient pas Français, alors c'est évident. Tandis qu'avec Napoléon, on peut pas le grand vouloir, il y a eu des bavures, puis c'est tout. On ne parle pas des Corses. J'ai conscience que je me suis pas mal égaré. Godwin, il consacre quand même un chapitre justement à la critique du despotisme éclairé et à tout ça. Donc je pense qu'il était assez. Et par ailleurs, je voudrais juste rajouter quelque chose sur les rapports entre Godwin et Mary Wollstonecraft. Autant ils s'aimaient d'amour fou, autant sur le plan de théorique, ils ne sont pas d'accord, puisque Mary Wollstonecraft a écrit deux ouvrages, l'un sur les droits de l'homme, l'autre sur les droits de la femme, et que Godwin, lui, critique assez fortement l'idée des droits de l'homme. Pour lui, il n'y a pas de droits de l'homme, qui serait une notion complètement abstraite, et il y a simplement des devoirs. Enfin, je peux expliquer plus, mais bon, il n'y a pas des critiques très fortes des droits de l'homme. Alors sur le féminisme, je ne sais pas si... Si vous me permettez de dire juste un mot sur cette fameuse Madame du Châtelet, je pense que je n'ai pas lu ses textes et je te fais confiance parce qu'il y a France Culture sur la qualité du contenu. Mais il y a une chose sur laquelle je ne fais pas confiance à France Culture, c'est sur le classement politique des gens. Et si tu appelles féministe n'importe quelle femme qui dit que les hommes et les femmes sont égaux, alors tu en as Christine de Pizan depuis l'Antiquité. C'est pas faux. Mais si tu appelles féministe une femme qui non seulement revendique les droits des femmes et davantage, et met en acte, mais en outre prend position pour... comme révolutionnaire dans la société, ce qui n'avait pas donné à Proust, enfin, je peux te dire que cette Madame du Châtelet, c'était une aristo, c'était une aristo. Donc, on ne peut pas la compter dans le féminisme révolutionnaire. Elle soutenait l'ordre existant, à l'exception, à condition que, comme les femmes au gouvernement aujourd'hui, chez Sarko, aient leur part du gâteau. C'est tout ce qu'elle demande. Tandis que Wollstonecraft, elle ne demande pas la part du gâteau des choses existantes. Elle demande la part du gâteau des choses qui n'existent pas encore et qui doivent exister un jour. Voilà. C'était juste pour faire... Ça fait une énorme différence. Thierry. J'aurais voulu savoir, d'abord merci pour le travail que vous avez nous écouté. Ça permet à des gens qui ne savent pas lire l'anglais de pouvoir comprendre certains auteurs comme Goldwyn, qui ne sont vraiment pas connus dans le milieu libertaire, ou très peu dans le milieu libertaire, je pense aussi à Owen, qui sont pas connus chez nous en France. Et j'aurais voulu savoir quelle a été l'influence de ces écrits par la suite, après sa posthume, de façon posthume, et puisque ça n'a jamais été traduit, ou que, en tout cas, ce livre en français, est-ce que ça a une influence surtout dans les pays anglo-saxons, que sont les USA et l'Angleterre essentiellement? Chez les anarchistes, tu parles ou en général? Oui, alors, ok, on va fixer ça sur les anarchistes, et puis si on ne sait pas, en général, quoi. Déjà, chez les anarchistes, on va dire. Alors, pour autant que je sache, effectivement, Godwin n'est pas cité par Bakounine, il est cité par Proudhon, mais par le biais d'Owen, parce qu'il semble que Godwin ait une influence sur Owen, effectivement. Et le premier anarchiste qui en parle, c'est Kropotkin, et il en parle, je pense, par rapport à la période où il vivait, lui, à Londres, donc où il a pu en prendre connaissance. McNettlow, oui, mais c'était après. Effectivement, Netlow est le premier à l'avoir cité parmi les penseurs anarchistes, quoi. En Angleterre et en Amérique surtout, je pense que l'influence a été différente, notamment sur, apparemment sur, on dit Thoreau ou sur toute une branche non violente de collectivité de ce genre-là. Il y a plus, en Amérique, je crois qu'il est relativement, enfin en Angleterre aussi, mais même en Angleterre, en fait, quand on voulait traduire, moi j'avais récupéré le Penguin Books au moment de... Si, je t'en ai passé un, mais je voulais en passer un à mon prof, il n'y en avait plus, je l'ai passé sur Internet. Enfin bon, c'est pas non plus... C'est incroyable, parce qu'au moment de l'anniversaire de 89, on a édité en France la traduction du livre de Thomas Paine, qui est pas mal, mais dans toute la deuxième partie est un peu chiante, parce que c'est des histoires d'impôts et tout ça. Et la traduction du livre de Burke sur les réflexions sur la Révolution de France, qui à mon avis est mal construite, enfin bon, qui c'est pas mal. Mais bon, Godwin, il est passé complètement à l'as, alors que c'est vraiment une des troisièmes positions magistrales, non, faudrait pas dire ça, importante de Angleterre, en fait, qui a été prise au moment de la Révolution, quoi. Et donc, voilà. Alors pourquoi il est tombé complètement comme ça, enfin pratiquement complètement, enfin l'influence qu'il a pu avoir, c'est apparemment, enfin d'après ce que j'ai pu lire aussi, enfin dans le mouvement mutualiste anglais, une influence indirecte, enfin un peu par le biais d'Owen, enfin des choses comme ça. Et curieusement, alors en littérature, puisqu'il recevait chez lui à la fin de sa vie tous les futurs littérateurs, Walter Scott, Bolzer, ils n'ont pas grand chose à voir avec lui, mais enfin bon. Celui qui a écrit Kovadis, comment il s'appelle déjà? C'est pas ça. Oui, enfin bon, c'est... Et souvent cité comme le premier classique. Oui, oui, de l'anarchisme. Oui. C'est un côté. Et l'autre côté, dans la théorie et pratique de l'anarchisme non violent, Godwin est souvent mentionné comme un des prédécesseurs. mais dans Godwin, il y a un critique qu'il n'y a que soit le dialogue ou le débat. D'un côté prévu comme moyen non violent avec des moyens paisibles, et d'autre côté il y a une conception de guerre, d'intervention ou soit de défense légitime avec des armes, soit l'intervention dans un autre pays pour soutenir des moyens. Mais il n'y a pas une conception de lutte non violente. Absolument, oui. Ouais. Et ça, c'est... Oui, oui, il est non violent dans la mesure où il estime que, effectivement, ce qui est absolument souhaitable, ce serait que les choses se passent tranquilles, quoi, pour qu'on discute et que ça s'arrange. Voilà. Mais il dit aussi que si ça ne se passe pas comme ça, c'est pour autant le philosophe, le penseur éclairé, il faut qu'il prenne parti, en quelque sorte. Il le dit assez clairement à un moment donné. Et effectivement, il soutient l'idée que j'ai le devoir, si je vois une injustice, d'intervenir. Soit que cette injustice me touche moi personnellement, à ce moment-là je suis obligé de me défendre, soit elle touche, j'en suis témoin, je dois intervenir. Et effectivement, à un niveau plus global, effectivement, je dois intervenir. Alors, c'est une question de légitime défense. Enfin, chaque fois que la vérité ou la justice est attaquée, on a le devoir d'intervenir. C'est en ce sens qu'il d'ailleurs, pour lui, le devoir est beaucoup, compte, alors que le droit, effectivement. C'est pour ça qu'il y a quelquefois, dans l'anarchisme non-violent, on dit sur le coup que ça ne suffit pas de réduire la non-violence en débat ou en discussion. Ça tente à éviter. Et il faut ajouter une conception de lutte. Oui, ça il a pas. Enfin, d'ailleurs, sur une de lutte violente non plus, il n'a pas trop pensé. Stéphane. Oui, pour revenir sur la conception de la philosophie politique, dont le camarade a beaucoup de droit, qui effectivement, c'est parmi une, je crois, de notre confidonie, je dirais. Structure de pensée, et le camarade espagnol, je crois que c'est le dernier représentant, vous avez renforcé dans la tête la distinction entre la philosophie politique et la philosophie sociale. Et par glissement sémantique, notamment, la politique c'est tout. Alors que c'est le social qui est tout. Le politique c'est un élément dans le social et qui est dominant parce que c'est une structure étatique. Hein. Parce qu'après, on va dans le sens laxiste où la politique c'est. Où est censé élargir, le sens élargi de la politique, c'est le social. Et ça, c'est important. Et justement, je parle avec Jean Collin de Godwin, justement, et beaucoup d'auteurs, à chaque fois, mettent le terme politique, mais on voit que derrière, c'est social qu'ils disent. Parce que toute leur description, c'est le social. Et Godwin, je crois que c'est un peu pareil. Dans son texte, le peu que j'en connais, hein, il parle de la misère des gens, etc., des trucs, des transformations. Puis je vois, il y a des sauts comme ça sur le politique. Alors, je ne sais pas si tu peux en dire plus sur cette distinction-là, parce que, et toi, à l'époque, on le voit aussi, par exemple, plus tard, je vois, mais chez Bakounine aussi, il faut la révolution sociale pour la dilution du pouvoir politique dans le pouvoir social. C'est-à-dire que le pouvoir social, c'est l'appropriation de chacun de son action. Bon, il faut déterminer d'autres, mais en tout cas, c'est la dilution du pouvoir politique. Mais quelques lignes plus loin, il parle de politique. Et donc, il y a ce confusion-là. Alors que, en Espagne, chez les camarades, notamment, il y avait bien cette distinction-là. Et je ne sais pas si Godwin, quelque part, c'est le nom de Godwin. Et qu'il n'y a pas aussi ce double truc entre dire un nom politique, mais en fait, surtout pour parler de la structuration sociale, économique de ces rapports-là. Moi, j'aurais plutôt les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, sa pensée, ce qu'il vise, c'est une pensée politique, en ce sens que la critique de l'État, du gouvernement, dit lui, mais enfin de l'État en gros, Et l'idée que l'État peut être qu'on peut y substituer une autre forme d'organisation politique, c'est une pensée politique. Mais on est habitué à penser que tous les philosophes politiques actuellement, ils pensent État. Mais c'est pas vrai. Il y a eu, avant l'État, il y a eu la forme de l'Empire, qui est une autre forme de structuration politique. Il y a eu les formes des cités grecques. Il y a eu les formes des organisations dans les pays amérindiens, enfin des choses comme ça. Donc on peut, oui, on peut tout à fait imaginer d'autres formes politiques. Au sens où, à ce moment-là, le politique, c'est pas le pouvoir politique, ou c'est comment dissoudre le pouvoir, c'est comment le répartir, si l'on veut, ce pouvoir politique, comment le dissoudre, si on veut aussi. Et pour Godwin, et sur ce plan-là, en tout cas, c'est d'accord, le social, c'est plutôt quelque chose qui est au service, justement. Si on veut lutter contre la misère et contre les inégalités de la propriété, c'est justement pour qu'il y ait un monde plus juste, où chaque individu ait une place plus, soit reconnu à une place de même, enfin égale à celle des autres. C'est pas la justice sociale, c'est un moyen d'arriver à la justice politique, qui est la reconnaissance de chaque individu comme ayant une pleine valeur, quoi. Bon, on va discuter. Le reste de tout, personne n'est content, c'est à s'approprier le social de plus en plus, puisque que les structures politiques se vivent. Et justement, effectivement, souvent on prend l'exemple de la Grèce. Andréopolis, c'est la cité, donc c'est la terre de tout le monde. Non, mais c'était pas le pied non plus. Ouais. Non, pas le pied, ok, mais c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que le politis en Grèce, c'est aussi le pouvoir, c'est une oligarchie de la cité, c'est-à-dire que la cité, ceux qui vivent essentiellement dans la cité, ce sont les aristocrates, etc., c'est déjà, le cité-État, etc., mais c'est une oligarchie. Car c'est le point que quand, dans les textes d'Aristote, il dit, ils sont venus foutre le bordel, en se demandant de qui ils parlent, et en même, ils parlent de ces gens à Aïon, etc., et donc, de ces catégories qui étaient des Grecs, aussi citoyens grecs, hein, parce que, on fait souvent la distinction de les non-grecs, les métèques, etc. Mais à l'intérieur même de cette citoyenneté grecque, il y avait deux citoyens. Effectivement, le citoyen politique, hein, qui participait à la vie politique de la cité, je veux dire, bon, c'était les rites, les machins, etc., les engagements de la cité-État, mais Aristote, je crois que c'est un texte d'Aristote, qui dit, bon, c'est Jean Aïon qui débarque au moment de la cité. Qui viennent foutre le bordel et diluer justement et mettre en danger le pouvoir de la cité, le pouvoir politique de la cité. Et en fait, ces gens ailleurs, c'est la personne que ce sont les paysans, justement, qui n'ont pas affaire avec la cité, que effectivement dans leur boulot, dans leur structuration sociale, ils sont sur leur terrain, ils bossent, etc., et qui à un moment, bon, ils viennent foutre le bordel à la cité. C'est que même chez Aristote, ce truc de politique, on voit qu'il y a que c'est pas aussi simple. Moi, t'as garanti, effectivement, genre, je suis anti-politique, c'est-à-dire que ça veut pas dire que je ne considère pas le politique, mais je suis anti-politique, et bon, j'ai pas une philosophie politique, mais j'ai une philosophie sociale. Voilà, c'est vrai. C'est pour rien. C'est à Gilbert, mais il y a peut-être Pierre... Je vais intervenir juste sur le point là, pour pas que ça saute de tout, excusez-moi. Non, vas-y. Simplement, là, à mon avis, c'est encore plus dur, parce qu'en Grèce, il n'y avait pas que le régime politique, il y en avait plusieurs. En réalité, en Grèce, il n'y avait pas qu'un régime politique. À cela, tu parles du régime politique d'Aristote, par exemple, et d'autres. C'était Athènes auquel tu fais référence. Tu vas chez les Spartes, les Spartiates, par exemple, c'était notre système. En réalité, il y avait plusieurs systèmes. À mon avis, tu mélanges deux notions. La politique au sens d'Aristote, c'est quelque chose de neutre et de noble, alors qu'actuellement, évidemment, surtout dans les milieux libertaires, la politique, c'est quelque chose de la politique aïeurie, quoi. Donc c'est négatif. En réalité, quand il parle des métèques, etc., c'est que les gens qui votaient, même dans une société qui se voulait démocratique comme celle d'Athènes, il y avait tout le monde ne votait pas. Les femmes ne votaient pas, les esclaves ne votaient pas, les métèques, c'est-à-dire les étrangers, ne votaient pas. Donc en réalité, c'était seulement quelques milliers de personnes qui votaient, qui pouvaient se réunir dans un amphithéâtre et qui votaient avec des poteries, etc. Donc, et ça, c'était le système le plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Donc déjà, c'était très très limité, et c'était la politique au sens noble, c'est-à-dire que c'était les gens eux-mêmes qui avaient gros chapitre. Ceci dit, évidemment, il y avait tous les problèmes d'esclavage, etc. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais il n'en reste pas moins que politique, dans le sens d'Aristote, c'est pas obligatoirement négatif. Il ne faut pas trop se tromper sur les notes. Actuellement, évidemment, ça prend un tel développement, la politique, que ça devient obligatoirement péjoratif. Pour moi, c'est toujours été trop l'article sur l'État dans le sens stricto sensu, encore une fois, le sens élargi ou non, je ne sais pas ce que ça veut dire trop. Mais en tout cas, pour eux. Le sens étymologique, hein. Mais justement, le sens étymologique. C'est, c'est la ville, c'est la gestion de la ville. La cité, oui, c'est tout. La cité, c'est pas le. Ah oui, non, c'est pas le territoire. C'est pas le territoire. Non, mais en tout cas, simplement pour finir comme ça, il y a plusieurs formes politiques, comme tu dis. Oui, non, la foi. Effectivement, il y a l'élégant de Sparte, et puis justement, le système spartiate, était l'idéal type. Non, et même, dans chaque système, estimé qu'il était raison, c'est tout. Même dans le champ des textes d'Aristote, etc., le système spartiate n'était que l'idéal type, qu'avec les constitutions, athéniennes, etc., et c'était un référent. C'est pour ça que vouloir dire que c'est aussi distinct que ça, c'est pas vrai. Le système partial, c'était effectivement un type parce que c'était un système de guerriers, avec les sous-citoyens, avec les guerriers, pilotes, etc., mais qui étaient des spartiates, mais différents des médecins. Et encore une fois, quand tu dis le système de vote, etc., non, l'amphithéâtre n'était pas conçu pour l'ensemble de la population grecque, au sens grec. Et l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, je n'ai pas le rapport en tête des chiffres, mais disons que l'amphithéâtre était conçu pour accueillir 4000 personnes, alors que les Grecs, citoyens grecs. Les Grecs, ça n'existait pas. Mais non, mais citoyens grecs. Citoyens grecs, donc, étaient d'une population de 40 000 personnes. Donc, fatalement, il y a des jeunes qui restaient en dehors de cette. Même s'ils étaient citoyens. Bon, on va essayer de trouver des intervenants qui s'y connaissent sur la Grèce antique et puis on fera un prochain débat que là-dessus. Alors, Gilbert. Oui, je vais juste revenir sur la réfraction numéro 6. Quelques fois, il y a des articles intéressants dans la réfraction, n'est-ce pas? Où il est question du. Mais par contre, tu es cité dans le préambule, et notamment il parle beaucoup du conflit avec Rousseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos du droit? Ouais, du droit, alors c'est pas sûr que je puisse en dire beaucoup plus sur le droit, mais enfin de Godwin et Rousseau, oui. C'est marrant parce que chaque fois qu'il cite Rousseau, Godwin, il dit que c'est quelqu'un de formidable, extraordinaire. Et en même temps, c'est pour critiquer donc deux choses. Enfin, d'une part, plusieurs choses. En particulier, alors, je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, enfin, sur le contrat social, qui est quelque chose qui est, à son avis, inadmissible pour plusieurs raisons. La première étant qu'on ne peut pas s'engager pour les générations qui vont venir. La deuxième étant qu'on ne peut pas s'engager même aujourd'hui pour ce qui peut se passer demain, sachant que, est-ce qu'on est le même, enfin c'est aussi un thème récurrent chez Godwin, on n'est pas forcément le même aujourd'hui et demain. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il critique aussi les châtiments, parce que celui qu'on va condamner à une peine quelconque, est-ce que c'est vraiment le même que celui qui a commis le délit? Donc c'est une des raisons de condamner le châtiment, il y en a d'autres aussi. Donc, la critique du contrat social, et ça porte aussi, en fait, sur l'idée de Rousseau qui veut que la volonté de chaque individu se fonde dans une volonté générale qui fait qu'il y a une espèce de fusion, là, que Godwin estime complètement artificielle. Pour lui, un individu, ça reste un individu. Et quand on vous parle d'une. Il dit à un moment quelque chose du genre, quand on vous parle du bien général, méfiez-vous, c'est pas. Ça veut rien dire. Si vous avez un bien concret à faire à quelqu'un, bon, ok, mais le bien de tous, ça veut rien dire. Il critique d'ailleurs à ce propos le patriotisme. Et donc sur ce plan-là, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu comme étant la critique fondamentale qui porte à Rousseau. qui est une critique générale aux anarchistes. Alors, ça, c'est la même critique qu'on peut retrouver chez Bakounine et chez d'autres. Alors, sur le problème de l'éducation, ils portent aussi des critiques qui sont un peu du même acabit, dans la mesure où ce qu'il dit, c'est que l'erreur fondamentale de Rousseau, c'est d'avoir vu l'âge d'or dans le passé, même si c'est pas exactement ce que dit Rousseau d'ailleurs, mais enfin bon, dans un passé révolu, alors que lui, Godwin, pense que c'est plus tard, dans un avenir, que pourront se réaliser les choses. Donc, par rapport à l'éducation, il lui reproche plusieurs choses. Premièrement, de favoriser l'éducation particulière, ce qu'il appelle le préceptorat, et il le critique avec des arguments que c'est pas dans l'enquête sur la justice politique d'ailleurs, c'est dans un avec des arguments qui me paraissent assez subtils, à mesure où il dit que être soumis à un seul précepteur, c'est une tyrannie quoi qu'il en soit, et qu'à ce moment-là il y a une pression affective et un lien